Chapitre 2e, condamnation. Malik Boucharif vient d'être condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre de l'officier de police Serge Prêtre au cours d'un banal contrôle de police. Dutilleul considéra Maître Jacquier avec une amertume non dissimulée. Alors, c'est fait. Avouez, Dutilleul, que l'affaire était pliée d'avance. Il ne s'est même pas défendu. Et le jury n'a pas mis 2 heures pour délibérer. Il n'a fait que suivre les réquisitions de l'avocat général et vous-même devez reconnaître que c'était mérité. Oh, je ne conteste rien. C'était un assassinat aussi stupide que lâche. Tout cela pour un peu de haschich. Même le meilleur défenseur du monde n'aura rien pu faire pour lui. Il n'y avait rien à plaider. Boucharif a tiré en pleine connaissance de cause. Pourtant, vous n'êtes pas satisfait, n'est-ce pas? C'est-à-dire que j'ai toujours pensé qu'il avait les capacités pour s'en sortir autrement. Je me suis trompé et c'est dur à admettre. Vous devez savoir qu'il avait beaucoup changé ces temps derniers. Quelque chose le minait. La dernière fois que je l'ai vu, il s'était rangé. Il vivait une vie presque normale. Bien sûr, il traficotait un peu. Nous l'avions à l'œil. Mais vraiment rien de bien méchant. J'ai vraiment cru que c'était gagné. Vous n'avez pas été le seul. Je m'y suis laissé prendre d'autant plus qu'il a honoré chacun des rendez-vous que nous avions ensemble. Il était heureux, plein de vie. Même s'il n'en parlait pas, on le sentait plein de projets. Sauf que, quelques mois plus tard, on le retrouve à la rubrique des faits divers et cette fois il prend perpétuité. Je sais. J'ai été aussi désarçonné que vous lorsque je l'ai appris. Le pire dans tout cela, c'est que l'on ne peut même pas évoquer un manque de chance. Il a tout fait pour obtenir un revolver. Cela n'a pas été difficile à démontrer. Tous les témoignages abondaient dans le même sens. L'idiot s'en vantait. Il trouvait que ça lui donnait une nouvelle carrure. Pourtant, le Malik Boucharif que je connaissais n'avait rien de cet homme-là. C'est sans doute la raison pour laquelle il voudrait vous voir. Vous avez reconnu vous-même que je ne peux rien pour lui. Il n'y a pas à revenir sur l'enquête, et même si j'avais ce pouvoir, je ne le ferais pas. J'espère que vous le lui avez dit. Naturellement. Et je dois dire qu'à mon grand soulagement, il acceptait de l'entendre. Autrement, il m'eût été difficile de demeurer son avocat. Dutilleul regarda Maître Olivier Jacquier avec attention. C'était peut-être l'un des avocats qu'il appréciait le plus, même s'il était très loin d'avoir un grand nom sur la place de Paris. Jacquier était un homme du peuple qui avait dû batailler dur pour monter son modeste cabinet. C'était l'un des rares qui n'avait pas pour unique but dans l'existence de s'enrichir le plus vite possible. Il s'occupait de cas difficiles qui, bien souvent, en retour, ne pouvaient guère le rémunérer. D'un autre côté, l'homme parvenait à boucler ses fins de mois. Dutilleul le croisait de loin en loin et avait toujours plaisir à converser avec lui, car l'homme était de société agréable et non dénué d'esprit. Où est-il? À Fleury-Mérogis. Au moins ce n'est pas loin, répondit Dutilleul. Merci pour lui. Attention, je ne promets rien. Vous n'avez rien à promettre.